je tourne tout par rond. Je tourne tout mon rond. Tout. Inutile, ton imbécile, imbécile, c'est un délébile, immobile, dans des murs inutiles, imbécile, silencieuse, fragile. Je tourne en rond.